pioche qui vide leur sacoche et qui trouve sa poche, quoique c'est pas la coche, et pique leur gros roche, leur a la vie poche. C'est pas encourageant, ouais, toi mécréant, au gouvernement, ils font tout l'argent de toi travaillant. Perte d'argent juteuse, des chameaux danseuses, une éthique poêleuse.